FSI French Revised, Unit 3, Tape 5. Grammar 4. ER verbs. Learning drills. Learning drill 1. Vous arrivez à 2 heures. Vous arrivez à 2 heures. Vous déjeunez. Vous déjeunez à 2 heures. Nous arrivons. Nous arrivons à 2 heures. Nous déjeunons. Nous déjeunons à 2 heures. Vous montez. Vous montez à 2 heures. Nous montons. Nous montons à 2 heures. Vous changez. Vous changez à 2 heures. Nous changeons. Nous changeons à 2 heures. Vous commencez. Vous commencez à 2 heures. Nous commençons. Nous commençons à 2 heures. Learning drill 2. Ils arrivent à 2 heures. Ils arrivent à 2 heures. Il arrive. Il arrive à 2 heures. Il commence. Il commence à 2 heures. Je commence. Je commence à 2 heures. J'arrive. J'arrive à 2 heures. On arrive. On arrive à 2 heures. Elle commence. Elle commence à 2 heures. On commence. On commence à 2 heures. Elles arrivent. Elles arrivent à 2 heures. Je déjeune. Je déjeune à 2 heures. Il déjeune. Il déjeune à 2 heures. Learning drill 3. Mes amis déjeunent à 2 heures. Mes amis déjeunent à 2 heures. Mon ami déjeune. Mon ami déjeune à 2 heures. Mes amis arrivent. Mes amis arrivent à 2 heures. Mon frère arrive. Mon frère arrive à 2 heures. Mes amis commencent. Mes amis commencent à 2 heures. Mon ami commence. Mon ami commence à 2 heures. Mes parents arrivent. Mes parents arrivent à 2 heures. Mon père arrive. Mon père arrive à 2 heures. Learning drill 4. Quand vos amis louent-ils les places? Quand vos amis louent-ils les places? Quand l'hôtel? Quand loue-t-elle les places? Quand louez-vous? Quand louez-vous les places? Quand loue-t-on? Quand loue-t-on les places? Quand votre ami loue-t-il? Quand votre ami loue-t-il les places? Quand louons-nous? Quand louons-nous les places? Practice drills. Practice drill A1. Tutor. Vous déjeunez à 1 heure? Student. Non, je déjeune à midi. Vous arrivez à 1 heure? Non, j'arrive à midi. Vous commencez à 1 heure? Non, je commence à midi. Votre sœur arrive à 1 heure? Non, elle arrive à midi. Votre sœur arrive à 3 heures? Non, elles arrivent à midi. Je commence à 2 heures? Non, vous commencez à midi. Vos parents arrivent à 1 heure? Non, ils arrivent à midi. Votre frère arrive à 3 heures? Non, il arrive à midi. Practice drill A2. Il est en vacances. Il rentre la semaine prochaine. Il est en vacances. Il rentre la semaine prochaine. Je suis en vacances. Je suis en vacances. Je rentre la semaine prochaine. Nous sommes en vacances. Nous sommes en vacances. Nous rentrons la semaine prochaine. Elle est en vacances. Elle est en vacances. Elle rentre la semaine prochaine. Ils sont en vacances. Ils sont en vacances. Ils rentrent la semaine prochaine. Vous êtes en vacances. Vous êtes en vacances. Vous rentrez la semaine prochaine. On est en vacances. On est en vacances. On rentre la semaine prochaine. Elles sont en vacances. Elles sont en vacances. Elles rentrent la semaine prochaine. Practice drill A3. Tutor. Écoutez-vous les nouvelles à 6 heures? Student. Oui, j'écoute les nouvelles à 6 heures. Déjeunez-vous avec eux? Oui, je déjeune avec eux. Arrivez-vous par le train de 6 heures? Oui, j'arrive par le train de 6 heures. Espérez-vous partir le mois prochain? Oui, j'espère partir le mois prochain. Apportez-vous le café? Oui, j'apporte le café. Réveillez-vous les enfants à 8 heures? Oui, je réveille les enfants à 8 heures. Parlez-vous de Monsieur Durand? Oui, je parle de Monsieur Durand. Changez-vous de train à Lyon? Oui, je change de train à Lyon. Fermez-vous les fenêtres? Oui, je ferme les fenêtres. Montez-vous au premier étage? Oui, je monte au premier étage. Rentrez-vous par le train? Oui, je rentre par le train. Practice drill A4. Je suis français, je ne parle pas anglais. Je suis français, je ne parle pas anglais. Il est français. Il est français, il ne parle pas anglais. Nous sommes français. Nous sommes français, nous ne parlons pas anglais. On est français. On est français, on ne parle pas anglais. Ils sont français. Ils sont français, ils ne parlent pas anglais. Je suis français. Je suis français, je ne parle pas anglais. Il est français. Il est français, il ne parle pas anglais. Nous sommes français. Nous sommes français, nous ne parlons pas anglais. Practice drill A5. Je suis en avance, j'arrive dans 10 minutes. Je suis en avance, j'arrive dans 10 minutes. Ils sont en avance. Ils sont en avance, ils arrivent dans 10 minutes. On est en avance. On est en avance, on arrive dans 10 minutes. Nous sommes en avance. Nous sommes en avance, nous arrivons dans 10 minutes. Elle est en avance. Elle est en avance, elle arrive dans 10 minutes. Vous êtes en avance? Vous êtes en avance, vous arrivez dans 10 minutes. Elles sont en avance? Elles sont en avance, elles arrivent dans 10 minutes. Il est en avance. Il est en avance, il arrive dans 10 minutes. Practice drill A6. Elle déjeune maintenant parce qu'elle est pressée. Elle déjeune maintenant parce qu'elle est pressée. Parce qu'il est pressé. Il déjeune maintenant parce qu'il est pressé. Parce que nous sommes pressés. Nous déjeunons maintenant parce que nous sommes pressés. Parce qu'ils sont pressés. Ils déjeunent maintenant parce qu'ils sont pressés. Parce que je suis pressé. Je déjeune maintenant parce que je suis pressé. Parce qu'on est pressé. On déjeune maintenant parce qu'on est pressé. Parce qu'elles sont pressées. Elles déjeunent maintenant parce qu'elles sont pressées. Parce que nous sommes pressés. Nous déjeunons maintenant parce que nous sommes pressés. Practice drill A7. Tutor. Vous déjeunez maintenant? Student. Non, je déjeune plus tard. Vous arrivez maintenant? Non, j'arrive plus tard. Les bureaux ferment à 5 heures? Non, ils ferment plus tard. Le bureau ferme à 3 heures? Non, ils ferment plus tard. Vous montez maintenant? Non, je monte plus tard. Vous réveillez les enfants maintenant? Non, je réveille les enfants plus tard. On apporte les bagages maintenant? Non, on apporte les bagages plus tard. Vous commencez maintenant? Non, je commence plus tard. Votre père arrive à 1 heure? Non, il arrive plus tard. Practice drill B1. Tutor. Où êtes-vous? Student. Je suis à Paris. Je rentre la semaine prochaine. Où est-elle? Elle est à Paris. Elle rentre la semaine prochaine. Où êtes-vous? Je suis à Paris. Je rentre la semaine prochaine. Oui, Janine. Elle est à Paris. Elle rentre la semaine prochaine. Où sont vos frères? Ils sont à Paris. Ils rentrent la semaine prochaine. Oui, monsieur Leland. Il est à Paris. Il rentre la semaine prochaine. Où sont vos sœurs? Elles sont à Paris. Elles rentrent la semaine prochaine. Où êtes-vous? Je suis à Paris. Je rentre la semaine prochaine. Où est votre frère? Il est à Paris. Il rentre la semaine prochaine. Practice drill B2. Tutor. Je change de train à Paris. Student. Pourquoi changez-vous de train à Paris? Il ne rentre pas ce soir. Pourquoi ne rentre-t-il pas ce soir? Je donne mon livre à Janine. Pourquoi donnez-vous votre livre à Janine? Elle réveille les enfants à 7 heures. Pourquoi réveille-t-elle les enfants à 7 heures? Il remercie le gérant. Pourquoi remercie-t-il le gérant? On ferme les fenêtres. Pourquoi ferme-t-on les fenêtres? Je n'écoute pas la leçon. Pourquoi n'écoutez-vous pas la leçon? Elle ne parle pas à Janine. Pourquoi ne parle-t-elle pas à Jeannine? Il n'apporte pas le café. Pourquoi n'apporte-t-il pas le café? Les enfants ne parlent pas anglais. Pourquoi ne parle-t-il pas anglais? Elle arrive toujours en retard. Pourquoi arrive-t-elle toujours en retard? Je change de train à Lyon. Pourquoi changez-vous de train à Lyon? Practice drill B3. Tutor. Déjeunez-vous avec eux aujourd'hui? Student. Non, je ne déjeune pas avec eux aujourd'hui. Tutor. Le guichet ne ferme-t-il pas à 6 heures? Student. Non, il ne ferme pas à 6 heures. Ne montrez-vous pas votre livre à Jeannine? Non, je ne montre pas mon livre à Jeannine. Parlez-vous français au gérant? Non, je ne parle pas français au gérant. Donne-t-on les nouvelles à 3 heures? Non, on ne donne pas les nouvelles à 3 heures. Déjeunez-vous avec eux aujourd'hui? Non, je ne déjeune pas avec eux aujourd'hui. Parle-t-on anglais en classe? Non, on ne parle pas anglais en classe. Ne rentrez-vous pas avec eux? Non, je ne rentre pas avec eux. Ne loue-t-on pas la chambre le long? Non, on ne loue pas la chambre le long. Commence-t-on la leçon 5 aujourd'hui? Non, on ne commence pas la leçon 5 aujourd'hui. Fermez-vous les fenêtres? Non, je ne ferme pas les fenêtres. Practice drill B4. Tutor. Je ne déjeune pas au restaurant. Student. Je ne comprends pas pourquoi vous ne déjeunez pas au restaurant. Elle ne parle pas français. Je ne comprends pas pourquoi elle ne parle pas français. J'arrive toujours en avance. Je ne comprends pas pourquoi vous arrivez toujours en avance. Je ne parle pas des vacances. Je ne comprends pas pourquoi vous ne parlez pas des vacances. Ils arrivent toujours en retard en classe. Je ne comprends pas pourquoi ils arrivent toujours en retard en classe. Je ne montre pas ce livre à Jeannine. Je ne comprends pas pourquoi vous ne montrez pas ce livre à Jeannine. On ne donne pas de café aux enfants. Je ne comprends pas pourquoi on ne donne pas de café aux enfants. Je n'écoute pas en classe. Je ne comprends pas pourquoi vous n'écoutez pas en classe. Practice drill B5. Tutor. Pourquoi vos amis rentrent-ils par le train? student. Ils rentrent par le train parce qu'ils ne sont pas pressés. Pourquoi M. Leland ne loue-t-il pas les places aujourd'hui? Il ne loue pas les places aujourd'hui parce qu'il n'est pas pressé. Pourquoi vos amis arrivent-ils à 8 heures? Ils arrivent à 8 heures parce qu'ils ne sont pas pressés. Pourquoi ne rentrez-vous pas la semaine prochaine? Je ne rentre pas la semaine prochaine parce que je ne suis pas pressée. Pourquoi commence-t-on à midi aujourd'hui? On commence à midi aujourd'hui parce qu'on n'est pas pressé. Pourquoi l'employé n'apporte-t-il pas les bagages maintenant? Il n'apporte pas les bagages maintenant parce qu'il n'est pas pressé. Pourquoi ne mentez-vous pas parler au gérant tout de suite? Je ne monte pas parler au gérant tout de suite parce que je ne suis pas pressée. Pourquoi rentrez-vous plus tard ce soir? Je rentre plus tard ce soir parce que je ne suis pas pressée. Practice drill B6. Tutor. Je déjeune au restaurant aujourd'hui. Student. Est-ce que vous ne déjeunez pas toujours au restaurant? Je suis en retard ce matin. Est-ce que vous n'êtes pas toujours en retard? Je rentre à 6 heures ce soir. Est-ce que vous ne rentrez pas toujours à 6 heures? Mon train est à l'heure aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas toujours à l'heure? J'écoute ma femme. Est-ce que vous n'écoutez pas toujours votre femme? On part à 6 heures aujourd'hui. Est-ce qu'on ne part pas toujours à 6 heures? On ferme à 6 heures aujourd'hui. Est-ce qu'on ne ferme pas toujours à 6 heures? Je vais bien aujourd'hui. Est-ce que vous n'allez pas toujours bien? La classe commence à 9 heures ce matin. Est-ce qu'elle ne commence pas toujours à 9 heures? Situation 1. Écoutez. Monsieur Denis ne peut pas prendre de café parce qu'il est en retard. Le train arrive dans un quart d'heure à 9h10. Monsieur Denis doit prendre un ticket de quai. Ses enfants n'arrivent pas seuls. Voulez-vous prendre un café? Non, je ne peux pas. Je suis en retard. À quelle heure le train arrive-t-il? À 9h10. Vous avez encore un quart d'heure? Oui, mais je dois prendre un ticket de quai. Vos enfants arrivent-ils seuls? Non, ma sœur est avec eux. Situation 1. Répétez. Voulez-vous prendre un café? Non, je ne peux pas. Je suis en retard. À quelle heure le train arrive-t-il? À 9h10. Vous avez encore un quart d'heure. Oui, mais je dois prendre un ticket de quai. Vos enfants arrivent-ils seuls? Non, ma sœur est avec eux. Situation 1. Participez. Vous êtes Monsieur X. Non, je ne peux pas. Je suis en retard. À 9h10. Oui, mais je dois prendre un ticket de quai. Non, ma sœur est avec eux. Maintenant, vous êtes monsieur Y. Voulez-vous prendre un café? À quelle heure le train arrive-t-il? Vous avez encore un quart d'heure. Vos enfants arrivent-ils seuls? Situation 2. Écoutez. Monsieur Rollin part avec son fils. Ils vont à Lyon. Monsieur Rollin dit à Monsieur Cadet qu'il ne va pas prendre de couchette. Ils arrivent à Lyon à 2h du matin. Monsieur Cadet propose de conduire Monsieur Rollin à la gare. Monsieur Rollin le remercie. Je pars ce soir avec mon fils. Vous allez à Lyon? Oui, pour une semaine. Allez-vous prendre des couchettes? Non, ce n'est pas la peine. Nous arrivons à 2h du matin. Si vous voulez, je peux vous conduire à la gare. Merci beaucoup. Situation 2. Répétez. Je pars ce soir avec mon fils. Vous allez à Lyon? Oui, pour une semaine. Allez-vous prendre des couchettes? Non, ce n'est pas la peine. Nous arrivons à 2h du matin. Si vous voulez, je peux vous conduire à la gare. Merci beaucoup. Situation 2. Participez. Vous êtes Monsieur Rollin. Vous allez à Lyon? Allez-vous prendre des couchettes? Si vous voulez, je peux vous conduire à la gare. Maintenant, vous êtes Monsieur Cadet. Je pars ce soir avec mon fils. Oui, pour une semaine. Non, ce n'est pas la peine. Nous arrivons à 2h du matin. Merci beaucoup. This is the end of tape 5, unit 3.